Chapitre 10e. Les blés de la plaine d'Augeur étaient déjà presque tous moissonnés. De la lisière des bois de Maigrefontaine, on voyait flamber au soleil d'août la rase étendue des étoles, où des chardons en fleurs mettaient çà et là des taches violettes. La plaine, baignée dans la grande lumière du midi, ondulait pendant des lieues, tantôt dorées, tantôt bleuâtres et très loin, dans la direction de Langres, les deux tours de la cathédrale coupait seul à la longue ligne plane de l'horizon. Sous les tilleuls poudreux d'un vieux calvaire qui s'élevait à la sortie du bois, Aimée s'était assise, regardant le pétillement du soleil sur les chaumes, où des milliers de sauterelles accompagnaient de leur musique bourdonnante le tremblotement de l'air embrasé. Depuis quelques jours, le vieux Finoël travaillait à un abattage d'arbres dans le canton de Maigrefontaine, et bien que son chantier fût fort éloigné d'Amoret, Aimée lui portait régulièrement son repas de midi. Puis, avant de regagner le chemin de la ferme, elle venait s'asseoir à cette lisière près de laquelle passait la route de la folie Lamorandière. Le désir de visiter la ville orientale la tentait. Elle n'avait pas revu Lamorandière, mais depuis le mois de mars, il ne s'était point passé un jour sans que sa pensée se préoccupât de l'absent. Elle l'associa à tous ses rêves, à toutes les émotions nouvelles, que les floraisons du printemps et les splendeurs de l'été apportaient dans la solitude du Val d'Amoret. Adossée au piédestal de la croix, elle songeait que 2 mois la séparaient encore de la saison où la Morandière avait coutume de venir chasser à la ferme, et elle trouvait que 2 mois c'était bien long. Elle eût été si heureuse de le revoir au moins une fois avant l'automne. Elle regardait en soupirant le chemin vicinal courir dans la plaine ensoleillée. Près du calvaire, il faisait un coude, puis fuyait dans la direction d'Augeur. C'était là-bas, derrière les grises ondulations de ses plis de terrain, que devait se creuser le vallon à la naissance duquel la folie dressait sa coupole et étageait ses jardins en terrasse. Aimée se disait qu'elle était maîtresse de toute sa journée, qu'il lui fallait 1 heure au plus pour gagner la maison de campagne et pour voir celui qu'elle aimait. Elle se levait, à demi résolue déjà à se mettre en route, puis elle s'arrêtait, indécise. L'idée de demander le chemin de la folie aux gens du village suffisait à la décourager. Il lui semblait qu'elle n'oserait jamais, et qu'en la voyant subitement rougir, il passe en devinerait sur le champ ce qu'elle cachait au fond de son cœur. Non, décidément, elle y renonçait. Ce serait pour un autre jour, quand le soleil serait moins ardent. Déjà, elle descendait les degrés du calvaire. Encore quelques pas, et elle allait rentrer dans la forêt, sans avoir succombé à la tentation. Au moment où elle tournait le dos à la plaine, un bruit de roues et le trot d'un cheval résonnèrent sur la route ferrée, et comme elle relevait les yeux, son regard rencontra la Morandière assis sur les coussins des légers paniers qu'il conduisait lui-même. Aimée se détachait si nettement sur le fond sombre des tilleuls, avec sa petite robe de toile et son chapeau de paille, qu'il ne pouvait passer sans l'apercevoir. Il la reconnut tout de suite, poussa une exclamation et arrêta son cheval. « Quoi, c'est vous ? » dit-il en souriant. « Auriez-vous eu la bonté de venir me voir ?» Il s'était lancé hors du panier et lui tendait la main. Aimée rougissait et balbutiait de vagues excuses. Il la trouvait si jolie au milieu de son trouble qu'il avait décidé intérieurement qu'il ne la laisserait point partir. « Non, reprit-il, je n'écoute rien, venez. Je vous montrerai mon nid et je vous ramènerai en voiture jusqu'à la tuilière dès que la chaleur sera tombée. » Il souriait de nouveau. Ses grands yeux veloutés avec quelque chose de si attirant, elle était si heureuse de le revoir et de l'entendre qu'elle ne songeait même plus à faire une objection. Il la prit par la main, l'installa sur les coussins, s'assit auprès d'elle et chatouilla légèrement de son fouet les flancs du cheval qui repartit au grand trot. Ils allaient comme le vent à travers les champs lumineux. « Voilà une heureuse rencontre, » dit la Morandière en inclinant la tête pour mieux voir Aimée, qui lui cachait le grand chapeau de paille. « Comment vous êtes-vous porté depuis cet hiver ? Vous n'avez pas changé. Si, pourtant, vous êtes devenu encore plus joli. Ne vous êtes-vous pas trop ennuyé ? Avez-vous pensé un peu à moi ? Et vous ? » demanda-t-elle en le regardant d'un air charmé entre les franges de ses longs cils. « Oh, moi, j'ai pensé à vous énormément. » « Cependant, » reprit-elle un peu incrédule, « il n'y a pas bien loin de chez vous à Amoret. Et vous n'êtes jamais revenu. » L'envie ne me manquait pas, certes, d'aller vous surprendre là-bas, mais j'ai eu un tas d'affaires ennuyeuses qui m'ont dévoré tout mon temps. La vérité, c'est que depuis mars, bien d'autres distractions avaient emporté ailleurs son humeur changeante. Même quand la pensée d'une fugue à Morel lui avait traversé l'esprit, il l'avait prudemment écartée en se disant qu'il fallait être sage et que cette idylle pouvait mal finir. Ces amourettes-là, à son avis, étaient comme certaines esquisses qui ont d'autant plus de saveur qu'elles restent inachevées. Aujourd'hui, une occasion qu'il n'avait pas cherchée le remettait en face de sa bonne fortune de l'hiver dernier. Après tout, il n'était pas un ange, et il trouvait que le hasard avait bien fait les choses. Ces réflexions lui venaient tandis qu'Aimé le questionnait naïvement et que la voiture, après avoir longtemps roulé en plaine, commençait à s'enfoncer dans un pli de terrain. « Nous voici chez moi, » s'écria-t-il. « Mes écuries sont en dehors de l'habitation et nous allons descendre ici. » Ils étaient arrivés à la naissance d'une gorge rocheuse. Les communs et les engrangements étaient à gauche, dans un chalet adossé à la roche. Au bruit des roues, un paysan en blouse sortit de l'écurie. La morandière lui jeta les rênes, sauta à terre, donna la main à Aimé, et ils s'avancèrent vers une porte mauresque, dont les panneaux pleins et les chambranles de pierre barraient complètement l'étroit couloir de rochers enguirlandés de lierre. Le jeune homme poussa un bouton dissimulé dans un des panneaux. La porte s'ouvrit, et Aimé, qui l'avait fait passer devant lui, jeta un cri d'admiration. Elle était aveuglée par un ruissellement de lumière et un chatoiement de couleurs éclatantes. Devant elle, au milieu d'épais massifs de verdure fraîche et lustrée, la maison orientale montait, svelte, blanche, avec ses fenêtres tréflées et ses balcons tapissés de fleurs exotiques. Autour de la légère coupole étincelante, des hirondelles se poursuivaient avec des cris joyeux. Au-dessous des balcons, une source vive jaillissait du rocher et bourdonnait dans un frissonnement de plantes humides. Partout aux entours, il y avait un luxurieux épanouissement de feuillets, de fleurs, des parfums d'héliotropes et de jasmin, des bruits d'eau courante et de mélodieux murmures d'abeilles. « C'est le paradis terrestre !» s'écria naïvement Aimé. « Bon, vous n'avez encore rien vu. Montons à mon atelier. » Il lui fit suivre une rampe bordée de rosiers nains aux magnifiques fleurs d'un rouge vif et qui aboutissait à un balcon de plein pied avec l'atelier où ils entrèrent. Les hautes murailles peintes en gris étaient garnies de tableaux. Tout autour régnaient des divans bas, couverts de tapis de perse aux couleurs éteintes harmonieusement fondues. La morandière installa la jeune fille sur un de ces divans, non loin du balcon, et tandis qu'il faisait apporter des fruits et des boissons fraîches, Aimé, déjà grisé par les parfums pénétrants et la flore exubérante du jardin, contemplait avec des yeux éblouis la vue qu'on avait de la fenêtre. À droite, les roches nues et chaudement colorées prolongeaient en demi-cercle leurs lignes pures qui coupaient horizontalement le bleu du ciel et faisaient songer au paysage de la Grèce. Au-delà des parterres, des vergers descendaient en masses verdoyantes jusqu'à une prairie bordée de noyers trapus. Puis l'œil plongeait dans une vallée profonde qui s'évasait de plus en plus. Un clocher pointu s'élançait d'un fouillis d'arbres. Un ruisseau miroitait sous des aunes. Des bois moutonnaient noirs sur la nappe dorée des champs moissonnés qui flambaient au soleil. Des plaines mamelonnées fuyaient dans un poudroiement radieux et bien loin, à l'horizon, des montagnes profilaient légèrement leurs cimes bleuâtres. « N'est-ce pas qu'on est bien ici ?» dit la morandière en venant s'asseoir auprès d'Aimé. « Oh » s'écria-t-elle en joignant les mains. « C'est beau, c'est beau. On se croirait dans un conte de fées. » Elle ôta son chapeau de paille, renversa doucement sa tête sur les coussins et ferma les yeux comme pour mieux savourer son émerveillement. Quand elle les rouvrit, la figure de Paul, la morandière, s'était penchée vers elle et deux prunelles d'un brun velouté étaient fixées sur les siennes. Ce regard la grisait encore plus que les couleurs éclatantes et les violents parfums des parterres. Elle détourna les yeux et les reporta vers le lointain paysage lumineux. « Si vous grignotiez un biscuit, » insinua-t-il. Non, l'émotion lui serrait trop la gorge. Elle n'avait pas faim. Mais elle mourait de soif et elle accepta un grand verre de limonade glacée qu'elle avala à petite gorgée, la tête rejetée en arrière et les yeux perdus dans les arabesques du plafond. La morandière, pendant ce temps, la contemplait dans cette attitude abandonnée qui faisait bomber les rondeurs de sa poitrine sous l'étoffe du corsage. Il détaillait en artiste et en voluptueux les inflexions délicates du cou bien dégagé, les pures lignes du menton relevé en l'air et les ondoiements soyeux des cheveux crêplés. « Savez-vous que vous êtes charmante ainsi » murmura-t-il, quand, ayant vidé son verre, elle passa le fin bout de sa langue sur ses lèvres avec des mines de chatte qui a bu du lait. « Vrai ?» demanda-t-elle, enchantée de l'accent convaincu de son admirateur. Vous ne trouvez pas trop laide au milieu de toutes vos belles choses ? Elle me semble doublement belle depuis que vous êtes là, répondit-il en lui prenant les deux mains. Je suis heureux de vous revoir, mais je l'ai vite fait des bois, et de vous revoir dans ce nid où on peut causer à cœur ouvert. Ah ! Soupira-t-elle, il y avait si longtemps que je désirais y venir. Figurez-vous que j'avais peur de ne plus vous revoir, et je ressentais une angoisse terrible. Vraiment, et maintenant ? Maintenant, je suis contente. Cher enfant, comme je vous aime. En êtes-vous sûr ? Reprit-elle en plongeant ses regards dans les siens pour y démêler la vérité. Voyez-vous, il ne faut pas me dire cela uniquement pour me faire plaisir. Si c'est bien vrai, je serai la plus heureuse des créatures, mais si vous me trompez, j'en mourrai de chagrin. Il sourit. « Je t'aime, mignonne » répéta-t-il en la tirant contre sa poitrine. Aimée ferma les yeux. Elle entendait confusément, comme dans un rêve, les tendresses que la morandière lui murmurait à l'oreille. Tout à travers ses chuchotements pleins de caresses, elle distinguait les petits cris des hirondelles frôlant le balcon, le clapotement des eaux jaillissantes retombant dans les bassins, et toutes ces musiques amoureuses lui donnaient un délicieux vertige. Le soleil qui s'abaissait envoya de l'atelier un flamboyant faisceau de rayons obliques. Aimée fut brusquement tirée de la demi-somnolence exquise dans laquelle le bruit des jets d'eau la berçait, et soulevant sa tête illuminée par cette flambée de lumière. « Il va être tard, soupira-t-elle, il faut que je parte. Que dirait mon grand-oncle s'il ne me trouvait pas à la maison ?»« Bon, » répondit négligemment la morandière, « rien ne presse, mignonne. Je te reconduirai jusqu'à mi-chemin. » Et avant 2 heures, tu seras à la ferme. » Il sortit néanmoins et donna l'ordre d'atteler. Aimée quitta lentement l'atelier, envoyant un long regard d'adieu à l'éblouissant paysage de la folie, et tous deux, remontant dans le panier, repassèrent par ces mêmes chemins qu'ils avaient traversés si allègrement dans la matinée. À la fois heureuse et attristée, elle se blottissait tendrement entre la morandière qu'elle n'aurait plus voulu quitter. Celui-ci, plus calme, faisait presque un effort pour se maintenir à l'unisson de la tendresse démonstrative de la jeune fille. Il ne répondait que par monosyllabes, sentant déjà sourde en lui cette humeur morose qui suit l'égoïste satisfaction d'un caprice auquel on regrette de n'avoir pas résisté. Quand le panier fut arrivé au fond de la forêt de maigres fontaines près de la tuilière, le jeune homme prit pied à terre et aida Aimée à descendre. « C'est ici qu'il faut nous quitter, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Déjà ?» puis se jetant à son cou. « Vous m'aimez ? » demanda-t-elle. « Chère mignonne, tu le sais bien. Vous m'aimez toujours autant, toujours plus. Quand vous reverrai-je ? Quand reviendrai-je dans votre beau jardin ? Quand tu voudras. » Il s'interrompit, réfléchit, puis ajouta avec une nuance d'embarras. « C'est-à-dire, non, mignonne. Il faut éviter de faire jaser les gens de la folie. Je préfère te voir à Amoret. J'irai là-bas, le plus tôt que je pourrai. Attends-moi. Adieu, aimée. » « À bientôt, vous me le promettez ?»« Oui, c'est entendu. » Elle avait peine de s'arracher de ses bras. Enfin, elle le quitta. Mais à l'endroit où le chemin s'enfonce dans le taillis, elle se retourna encore et lui envoya du bout des doigts un dernier baiser. Quand elle eut disparu, il prit un cigare, l'alluma, tira quelques bouffées avec une intraduisible expression de soulagement, puis remonta dans le palier. « Je me croyais plus fort, » songeait-il en fouettant son cheval. « Je me suis conduit comme un écolier. » Je suis bien avancé d'avoir effeuillé cette petite rose sauvage. Me voilà maintenant avec une sotte amourette sur les bras. Triple animal que je suis !»